Ok, hey, bonsoir à tous. C'est la première fois qu'on fait un podcast. On essaye ça. On était curieux de savoir, en fin de compte, qu'est-ce que ça ressemblait. Puis on a bien de la jasette. On aime bien les jeux. Fait que à soir, on commence ça. Puis on est moi et Simon, en fin de compte, de l'équipe Watching Games. Salut. Il y a Mick puis Maxime, en fin de compte, de IGT. C'est quoi le nom complet? C'est que là, je me mêle tout le temps avec Retro Game Throwdown, mais c'est RGT Gaming, le streaming. Okay, parce que Retro Game Throwdown, c'est théoriquement plus moi. D'accord. Puis RGT Gaming, c'est l'équipe Mick et Mass. Excellent. On comprend ça. Fait que non, on vous a, sur le mur de Watching Game, en fin de compte, on vous a demandé, genre, qu'est-ce que vous aimeriez ou quel concept. Fait que, vu qu'on sait pas tout où est-ce qu'on s'en va, on fait un test. On aime ça faire des tests. On aime ça faire des tests. Puis peut-être que cette vidéo-là sera jamais diffusée, on le sait pas, on va s'évaluer après la vidéo. Fait que. On le sait pas! C'est ça. C'est le thrill of the hunt! Ouais, c'est genre. Indeed. À soi, on va avoir deux blocs. Oui, effectivement. On va commencer. On a une cassette de Sega. C'était quoi, Monster? Alex Killen. C'est Adventure Island. Adventure Island Monster Wave. De droit de parole. On va dire ça de même, de droit de parole. Fait que celui qui a la cassette aura le droit de parler. C'est Mick qui a lancé la première idée, le premier bloc. Fait que c'est ça, dans le fond, moi, mon premier bloc, c'était des plaisirs coupables, comme on disait. Okay. C'est quelque chose qu'on fait par rapport au gaming. On se dit, ouais, peut-être que c'est spécial un peu là, de le faire. Quelque chose qu'on a. Qu'on a honte. Ou un jeu qu'on a honte de jouer. Qu'on a peur que ça sache. qu'on se fasse juger. C'est ça. Moi, je sais que je fais ça tout seul chez nous, là, tu sais. Avec les rideaux fermés. C'est un bon indicateur, là. Ok. Fait que ça, c'est moi, mes plaisirs coupables. Mais par contre, c'est pas nécessairement juste un jeu. Ça peut être une habitude de jeu, ça peut être une console qu'on aime secrètement ou. Tu sais, de quoi d'obscur, de tabou en rapport au jeu? Fait que c'est ça. Moi, j'avais vu que c'était un gars qui faisait ça sur Internet, il s'appelle Viltendo. C'est un collègue qui a fait des collaborations avec Max. Yep. Ça, c'est un Québécois. Ouais, Viltendo, notre cher. C'est lui qui m'a montré à faire ça, dans le fond. C'est restaurer des boîtes de Super Nin, ou peu importe, ou mettons ta cassette, un collant un vieux collant d'un club vidéo, puis tout ça, puis là tu veux l'enlever, puis tout ça, là, fait que là il y avait plein de techniques, puis c'est ça. Lui dans le fond, il repassait ses boîtes avec un fer à repasser. Ça va brûler ça? Non, quand tu checks ça, là, tu te dis, hey, mais c'est quoi qu'il fait? Là, il est en train de repasser ses boîtes pour vrai. C'est vraiment vrai. Tu veux du carton, je veux dire. Ben, c'est ça, faut que tu aies une température. Sur le bois, ça flambe là. C'est ça, tu repasses pas ça à la même température de l'air. Il y a certains risques, là, mais tu sais, ça marche bien pareil. Là. Mais il n'y a pas genre de la vapeur, tu sais, je veux dire, ça endommage pas. C'est ça, un fer à passer, là, tu peux l'utiliser et mettre de la vapeur ou sans vapeur. Dans ok, ok. Ah, moi, j'aurais peur, en tout cas. Mais. T'aurais peur de la vapeur. T'aurais peur de la vapeur. J'ai pensé à la même affaire. Si tu n'utilises pas de vapeur et tout ça, tu déplies ta boîte de carton, puis là tu mets ton fer à passer dessus, tu laisses ça là de même, à une certaine température, pas trop chaud. Ok. Moi je t'imagine dans ta maison, les stores fermés puis ils repassent. C'est les boîtes. Mais ça fait quelque chose. On dit que c'est le fun. Pour vrai, il y a des boîtes qui sont venues pas pire. Tu pars à une boîte qui est tout frippée, puis qu'elle se tient là. Ouais, à mon avis, moi, je trouve que c'est revaloriser sa collection pour pas trop cher, pour vrai. C'est un bon truc. Mais. C'est sûr que ça c'est bizarre pis tout après ça, ben enlever des collants pis des petits tapes pis tout ça. J'arrête du gaz à l'aider. Gaz à l'aider. Moi je gaz à l'aider pis j'ai une espèce de lame là que tu vas chercher ça là. Pis c'est comme une lame de rasoir, mais c'est fait pour vraiment décoller des affaires là. Oh. Faut que tu sois pris. Si ça prend un peu de skill là, je te dirais là. Du goût aussi. Ton skill level. Ouais, c'est ça. Fait qu'en fait quand vous êtes venant à la maison, vous voulez un plaisir coupable, ça serait de restaurer les bois. Il y a Nintendo, c'est ça? C'est ça, c'est Nintendo. C'est lui qui m'a montré Nintendo. Au début, mais ça je me suis pris un malin plaisir à faire ça. Puis il y a des odeurs qui émanent des boîtes aussi. Quand tu repars, ça c'est du vieux carton là, avec là ça sent mon gars. Mais bon, ça c'est un autre plaisir coupable. C'était un autre plaisir coupable. On peut passer à la cassette. Je pense ça. Ben moi, écrit de bon jeu, c'est en passant. Mais ça n'a pas rapport avec mon plaisir coupable pantoute, moi, mais c'est un jeu. C'est un jeu, je pense que vous avez tout entendu parler. Ça a passé beaucoup les reviewers. Je dirais après la vague d'AVGN, là, après 2007, 2008, 2009, le monde a commencé à reviewer beaucoup de jeux. Et des mauvais jeux, pour X raisons. À cause des VGN. Exactement. Ouais. Fait, c'est, Game c'est quelque chose, ça va être crissement bâché, c'est tôt. Nintendo 64. Ah. Nintendo 64, me voyez-vous venir un peu? Ouais, moi je le sais. Me c'est pour venir un peu? C'était quoi donc le jeu de truc que tu détruisais des affaires? Ça? Ah, ça c'est Blastdozer! Blastdozer! Non, ça c'est très bon. Mais non, c'est Quest 64, un des seuls RPG du Nintendo 64. Un jeu que j'adore, que j'ai joué beaucoup, que j'ai passé plein de fois. Donc oui, je suis capable de reconnaître ses forts. Il y a beaucoup de forts, le jeu Quest. Je dis pas que c'est un jeu parfait, mais c'est un jeu que moi, j'ai mes nostalgia goggles, comme on dit, et que je suis aveuglé. Mais il y a beaucoup de personnes qui diraient que c'est peut-être la même affaire pour mon amour du 64. Peut-être un peu aveuglé par la nostalgie. Mais ouais, mais bon, Quest 64, mais moi... Avez-vous déjà joué un peu? Moi, j'ai déjà joué. J'ai jamais joué, je sais même pas c'est quoi. Tu me montrerais à cassette, je ferais. Moi, je te dis, j'ai joué à ça quand j'étais peut-être en 6e année ou secondaire quand j'ai joué à ça. Puis, mauvaise expérience, désorienté. Ben... La caméra, là, je sais pas ce qui se passait à un moment donné. Là, je te dis, moi, j'étais en train de brailler maintenant que ça. Je suis perdu dans la forêt, là. Puis là, ça marchait pas. Je te dis, j'étais run, là, mais tu sais, ça m'a. Moi, j'ai joué une fois. Je l'avais loué au club vidéo. Mais j'ai aucun souvenir. Ok, ben c'est bon, parce que c'est déjà bon. Longtemps, tu sais. C'est déjà bon, mais t'as peut-être pas de souvenirs. J'avais loué le 64 avec deux jeux. Il y avait Pokémon Stadium et Quest. Puis je me souviens juste de Pokémon Stadium. Ouais. Quest, t'as fait. Ouh! Il est parti. Non. Il faudrait que j'y rejoue un jour pour le réévaluer. Ouais, c'est je donne sa chance. Ben, gars, si t'as pas la nostalgie, je doute beaucoup. Ok, non, c'est okay. Ça. Ça doit voir ma vieille. Ça doit voir ma vieille. J'ai un petit point à faire là-dessus. Quand il disait la désorientation, là, Mr. Mick, ben il a vraiment pas tort. C'est de quoi que j'ai eu beaucoup de misère. Je me souviens quand j'étais jeune, c'est... le problème c'est que quand tu marches dans l'environnement 3D, c'est full 3D. En passant, il est beau le 3D. Quest, pareil, tu vois loin pour un jeu de Nintendo 64. Sur ça, c'est un crise de bon point. Fait que tu marches, quand tu pognes un combat, il te change ton angle de caméra totalement. Oh. Totalement, t'es tout désorienté, t'as pas beaucoup de points pour te retrouver. Oh. Puis quand que tu finis le combat, si t'as le malheur de faire le joystick par en avant tout de suite, ta caméra arpine pas où ce que t'étais. Donc, tu pars n'importe où, tu fait perds ton orientation, faut que t'attendes que la caméra revienne. Je pense que j'ai tourné en rond, je sais pas combien de temps dans une forêt. C'est la première forêt du début, j'imagine, là, qu'il faut que t'ailles battre le gros qui fait des boules de feu, là. Ouais, fait que très bon jeu pour moi, mais avec beaucoup de failles. Okay, donc, c'est un peu, je me fais tellement écœurer, fait que j'ai pas le choix de choisir ça comme mon guilty pleasure. Là. Ouais, vous allez voir ça, Quest 64. Ouais, allez essayer ça, checkez peut-être pas des reviews, là. Parce que vous voudrez pas jouer. Ouais. Ça vous donnera pas envie. Bah, Pro Jared m'a fait une bonne, c'est négatif, mais il a raison. Ok, c'est constructif. Ouais. Donc, Pro Jared, au pire, si vous voulez en voir une qui le bâche pas trop, mais qui est réaliste. Cool, c'est bien. Yep, fait que toi, ton guilty pleasure, Sam. Mon guilty pleasure, ben, c'est pas compliqué. C'est Katamari fucking Damashi. Ah non, pas Katamari Damashi. Le jeu de Sigon par excellence. J'adore ce jeu-là. Ah. Même si la première fois que tu joues, tu comprends rien. Fuck all. Ouais. Tu roules une boule, tu ramasses tout, puis tu transformes ça en étoile. La première fois que tu joues à ça, si t'es pas sobre, tu vois des affaires qui existent pas, ok? Ah, c'est dans ce jeu-là, déjà là, qu'il y a des affaires qui ne font aucun sens. C'est 100% japonais. J'ai toutes à la maison. J'ai toute la franchise à la maison, à part lui sur Xbox 360, parce que j'ai pas d'Xbox 360, puis j'en veux pas. On peut mettre. Mais c'est un autre point pour un autre débat. On peut mettre un point de repère aux téléspectateurs, c'est que Katamari Damacy, on est vraiment un petit bonhomme vert avec une tête très large, bizarre, puis il pousse une boule, puis c'est de ramasser le plus d'affaires possible. Il fait de gravité, là, c'est ça. C'est carrément ça, ça sort sur Play 2. Au début, c'est Play 2. Play 2. Après ça, il y a eu Xbox 360, PSP, Play 3, PS Vita. Si vous voulez sortir de votre zone de confort dans votre vie, jouez à Katamari Damacy. Moi, en tout cas, continue ton point, il est intéressant, mais moi je t'accepte. Ok, ben c'est bien, merci. Parce que je connais beaucoup de gens qui disent, voyons, pourquoi tu joues à ça? Si t'es pas sous quand tu joues, je te juge. Non, je suis pas sous quand je joue. Pas à Katamari, en tout cas. Mais non, c'est ça. J'ai découvert ça par pur hasard à un moment donné parce que je cherchais des hidden gems, okay, des trésors cachés sur différentes consoles. Puis il y avait ça dans les listes de hidden gems au PlayStation 2. Là, j'avais déjà quelques jeux de PlayStation 2, des classiques, tu sais, les Burnout 3, God of War, etc. Là, arrive Katamari Damacy. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça vient faire dans cette liste-là? Je comprends fuck all. Je vais voir des vidéos de gameplay. Pas trop sûr au début. Vraiment pas sûr. Moi, je suis acheté H-Plan. Les personnes qui ont acheté ça plein de pays. Oui, c'est ça. Mais c'est apprécié pareil. Oui, oh, il y a une fanbase. Il y a une très bonne fanbase. C'est pas mauvais. Ben, c'est pas des mauvais jeux. C'est juste que c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui détestent ça pour mourir. Ça a l'air expérimental un peu. C'est très expérimental. C'est très créatif. C'est une œuvre artistique. D'ailleurs, ce jeu-là a été exposé au Musée de la Civilisation. Avec l'expo des jeux vidéo. Ouais. Il fait partie des œuvres artistiques influentes de la vidéo Lucie. Là, okay. Oh, ouais. Vidéo ludique, devrais-je dire. Ah ouais. Ouais. Puis ouais. On comprend pourquoi. C'est une expérience. C'est une expérience. C'est une expérience. Si vous voulez te sortir vraiment là, de votre zone de confort de Call of Duty. Jouer à Katamari Damacy, c'est vraiment une expérience. Okay. Puis si vous êtes sous ou sous d'autres substances quelconques, ça va être encore mieux. Oui! Ça va être. Mais ça m'intrigue. Ah, c'est. C'est quelque chose. C'est quelque chose. T'sais, au début, tu commences tout petit. T'es une petite boule. Tu ramasses des punaises, des insectes, des fleurs. Puis là, à un moment donné, tu grossis. Okay. Puis là, dans la prochaine mission. T'es dans la maison, tu ramasses des objets de la maison, les tables, les chaises, les peintures sur ses murs, la madame qui fait le ménage à terre, t'sais, t'sais. Ouais, tu ramasses plein de trucs. Quand tu commences à ramasser le monde, là, c'est là que ça devient fucké. Okay. Tu ramasses les personnes autour de toi, là tu grossis encore, tu ramasses la ville au complet, les maisons, les buildings, les chars. Et tu pars vraiment de petit, puis là ouais. Tu viens. Ouais, ouais, puis à même tu roules l'univers. Okay. Tu roules les planètes, les étoiles, les galaxies. Ah, wow! C'est un beaucoup d'affaires. D'acide à sec, t'sais, c'est un truc d'acide sobre. Là. T'as pas besoin de prendre de drogue pour quand tu joues à ça, tu pars. La drogue, c'est les développeurs qui l'ont pris. Ah, oui. Oui. Oh, ça devait être fort en maudit. Ouais, bon, ben, gars, c'est pas si guilty pareil comme que le jeu. Non, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui. Ben, c'est pas pire. Ouais, c'est pas un jeu qui s'est fait beaucoup blaster, je pense. C'est... Non. C'est ça. C'est... Non, tu sais, les gens vont dire c'est bizarre, mais c'est bien. Ça a pris le monde par ça. Mm-hmm. C'est ça. Ben, c'est correct, ça, que ça allait ébranler un peu les racines, là, toutes pareilles. Ouais, c'est parce qu'il y a énormément de jeux, pas dans le même genre, mais énormément de jeux japonais qui viennent jamais ici, aux États, puis en Amérique du Nord, parce que ça serait trop bizarre pour la culture nord-américaine. Fait que ça l'a passé. Alors que d'autres jeux qui seraient excellents ont pas passé, non, à cause d'une traduction qui ferait pas l'affaire ou de sujets tabous, de symbolisme, de sujets tabous, de droits d'auteur. C'est spécial, ouais, ça aussi c'est un autre sujet, un autre débat. Apprendre à mon GF, ton plaisir coupable. Mon plaisir coupable, je vous dirais. Ça a commencé pas mal au Super Nintendo. Oh. Non, même pas au NES. Oh. Au NES. Ok. On va pas loin. Intéressant. Les jeux de machine à boules. Ah oh, ouais. J'aime ça jouer aux jeux de machine à boules. Ben, je pensais que t'allais me dire le jeu de machine à boules que tout le monde avait sur Windows 95. Non, ça, non. Hey, j'ai mis une toune de ce jeu-là dans un des podcasts. Le Space Pinball. Non, je vous dirais, quand on a. Choisi le sujet du podcast ce soir, j'étais pas sûr, j'en avais deux, mais ça m'est venu en tête pendant que les boys parlaient, oui, les jeux de machine à boules, j'aime ça. Ben, je c'est pas pire, on a un beau petit site sur TurboGrafx, Alien Crush. Ah, oh, c'est mal! C'est quand même pas pire. Moi, c'est obscur en plus. C'est débile. Moi, j'ai connu Pinball au NES, qui est vraiment le jeu officiel de machine à boules de Nintendo. Oui, avec les pingouins. C'était, oui, c'était cool. Puis en plus, quand tu rentrais dans la zone, t'avais une petite plaquette. Ok, oui, cool, ben oui, ben oui. Moi, j'ai joué. Mario qui tire la petite plaquette, puis tu libères. C'est pas l'île qui fait ça. Ouais, c'était pas Marois. Non, pas c'était pas l'île là. Excusez. T'avais lu au Super Nintendo qu'il y avait genre 3 machines à boules. Ok. J'ai pas le titre précis. C'est pas Super Pinball. Ça serait trop simple. Je pense que oui. 75 ans. Au début, c'était comme une boîte jaune. Puis t'avais comme 3. Mais ça, c'est ça. C'était pas un jeu qui se vendait pas cher, ce jeu-là. Ouais, en tout cas, je l'ai. là encore, puis okay. Ça reste encore très cool. Moi j'aime ça. C'est vrai. Ça, puis si vous avez jamais, tu sais, si vous aimez jouer une petite game de machine à boules de temps en temps, trouvez-vous Big Race USA au PlayStation. Big Race USA. C'est tiré d'une vraie machine à boules qui existe pour de vrai. Puis, PlayStation 1 avait sorti une série de 3 jeux de machine à boules. Puis il y avait une machine à boules par CD. Oh et, shit! Tu sais, il fallait que tu payes le plein prix pour une fucking machine à boules. C'était des vraies machines. C'était un des vraies machines. C'était un beau statement. Tu sais, tu mets la machine à boules d'un jeu Play 1 de là genre 15 ans, puis tu le remettrais sur Play 3 ou Play 4, ça serait quasi identique. Tu sais, ça prenait tout l'espace du CD. Ils ont mis des 5 vidéos. Fait, oui, il y avait des 5 vidéos, pis tu sais, c'était vraiment cool. Le gros kit. C'était vraiment cool, pis crime, moi j'ai essayé Flip Nick au Play 3, je pense que c'est ça, au Play 2. Il y avait Flip Nick aussi. Ouais, ouais. Il y a Omega au GameCube, qui était ça assez fucky. Mais ça en fait encore des jeux. Tu pouvais jouer avec le micro, c'était étrange. Oh, c'était étrange. Hey, you, Pikachu. Ouais, c'est ça. On dit hey, you, Pikachu. Au Play 3, Play 4, iPad, même Xbox One, vous avez Pinball Collection. Ok, quoi, non? Ça se peut. Puis, ça a l'air intéressant. Ça encore. Hey, c'est bon, plus. Puis, tu sais, il y a vraiment toutes des vraies machines à boules selon l'histoire des années 70 en Ah ouais, en fait, l'anthologie de tout ça. L'anthologie, puis c'est vraiment les vraies machines à boules. Puis, même encore aujourd'hui, il y a des nouvelles machines à boules. Ah oui, ça, ah oui. Puis tu peux les acheter, ça coûte cher. Hein. C'est... Non, non, mais je parle vraiment de même. Tu sais, mettons, tu vas acheter, je pense, ces 6 machines à boules sur Play 4, ça va te coûter 30$. Ok, encore en virtuel, c'est cher. C'est cher. Ah, bah ouais. Tu sais, fait que moi, on achète de temps en temps, genre, j'en achète une à 7$. Mais ça doit être des puristes, là, qui trippent la machine à boules. Je pense que tu peux te tripper là-dessus. Un peu comme moi, là, je suis genre de gars. Puriste de machine à boules. Hey, mais c'est vieux, là, ça date des années 50, peut-être quoi. Non, première machine à boules, c'est même. La première est plus vieille que ça. C'est vieux de machine à boules. C'est un peu le premier vidéo. Ouais. Wikipédia, allez voir ça. Histoire de Wikipédia. Les pinball machines. Ouais. Regardez ouais. L'histoire. C'est sûrement quelqu'un qui va nous reprendre de toute façon. Ouais. Mais bon, c'est ça pour dire. c'est mon plaisir. C'est mon guilty pleasure. Ouais. Ouais. Ben, c'est pas si pire. Ouais, mais ça se consomme bien, c'est ça qui arrive. Ouais. C'est ça, tu joues, tu fermes. Un peu comme un jeu d'arcade en arrière. Ouais, ça, c'est ouais, ça. C'est ça, tu fais une game. C'est ça. Puis 7 temps de partie. Tu sais, des fois, t'es chanceux, ça va durer 2 minutes comme ça peut durer 1 heure. Bah, ouais. Dépendant si la boule, c'est une maudite chien. Fait que c'est ça. C'est super ça. Fait que là. Je pense que c'est pas mal notre premier. Le premier bloc, ça ressemblerait à ça. On est encore en train de faire des tests. On se demandait genre si on n'irait pas faire. Mettre une pub musicale entre le premier et le deuxième bloc. Pub, c'est peut-être pas le bon mot. Pour les encourager. Une pause musicale d'une minute. Ça vous permet d'aller vous chercher des chips, de la liqueur ou. Chercher une vieille. Des cigarettes ou aller pisser. C'est ça. Ouvrir une fenêtre. Tu sais, on va avoir de la recherche musicale qui va être faite aussi pour mettre une bonne pièce. Là, Pokémon Go. Ok, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus, les boys? C'est qui veut commencer le bal? C'est hot en calvaire, ce jeu-là. Comment il est vendu? Toi, c'est vendu, mais comment? Comment? Vas-y. Ben, Pokémon Go, j'ai-tu vraiment besoin de dire c'est quoi? J'ai pas besoin de dire c'est quoi. Non, mais. On va en parler vite. Ben, fin. Ouais. Un jeu de réalité augmentée, AR. Ouais. C'est que ça veut dire que c'est un jeu qui marche avec notre téléphone, notre GPS et notre caméra. Le but, c'est de se promener partout, dans toutes les villes, et de capturer des Pokémon. C'est aussi simple que ça. C'est la base. C'est Pokémon, c'était quoi le slogan? Est-ce que vous vous souvenez du slogan de Pokémon? Catch 'em all. T'as le rappel de tous. Gotta catch 'em all, là, si. Ils sont tellement shameless, quand ils ont fait la promotion de leurs produits, ils ont même pas essayé de cacher qu'ils voulaient, genre, vendre plein d'affaires à des kids. Là, ils l'ont clairement dit dans leur slogan, là. Attrapez-les toutes, achetez-les toutes. J'ai trouvé ça malade. Ouais. Puis c'est justement, ça se reflète tellement dans Pokémon Go, là. C'est le fun, juste, te promener, pis là, t'entends de quoi sur ton téléphone, tu sors ça, tu fais, hey, y'a un Pokémon là-bas, tabarouette! Mais tu t'en vas te promener, tu pognes un Pokémon. Y a-tu de l'argent à investir, là? Faut gagner, c'est un pay-to-win. Moi, j'ai mis. C'est pas un pay-to-win. Non, c'est un free-to-play, mais tu peux pay-to-win. Ouais. C'est comme n'importe quel jeu mobile. Ben, il y en a que le jeu est complet sans payer rien d'autre que le jeu. Mais Pokémon Go, tu peux acheter des affaires supplémentaires. Tu peux acheter des coins, des Poké-coins. Je suis pas sûr que tu peux les débloquer, des Poké-coins. Tu dois tu jouer, toi? Non, même pas, mon téléphone n'est pas compatible. Fais comme moi, puis tu vas t'en acheter un nouveau. Ouais, je vais attendre. Je vais attendre le budget. Et faites ça, j'ai fait ça, moi, puis. Je regrette pas. Parce qu'à l'université, là, je veux dire, continuons un peu avec le design. C'est quand tu te promènes, tu peux pas rien catcher des Pokémon. Faut que tu arrêtes aussi à des Pokéstops. Des Pokéstops, c'est n'importe quel monument dans la ville. Comme à Saint-Prosper, l'église, ça fait un. La murale à Saint-Denis est un Pokéstop. La murale du. Ouais. C'est pas pire. C'est le fun. Tu arrêtes là un Pokéstop, puis tu passes ton doigt là-dessus, puis il sort des Pokéballs, des revives, des œufs, des affaires de même. Surtout que tu es level 5, tu commences à plus avoir de choses, là, puis. Les œufs aussi, je sais pas si vous avez entendu parler des œufs dans Pokémon. Ouais, genre, c'est tu marches puis tu le fais éclore. Tu marches puis tu le fais éclore, donc oui, tu as des œufs à 2 km, des œufs à 5 km, des œufs à 10. La rareté varie selon les kilomètres. C'est toi qui avais posté une affaire là-dessus, là, tu voyais Pokémon Go, il était gros puis il était devenu. Ouais, là. Ouais, ben c'est quand même ça, ça te permet before de. Before and after. Ouais, je vois que le prochain, moi, par c'est que c'est le fun. Moi, comme je disais, puis les Pokéstops, moi, quand j'étais à l'université, j'en ai plein. À l'université, dans ma chambre, là, juste, je m'assis dans ma chambre, j'ai comme 3 Pokéstops, un à côté de moi, direct à côté de moi, fait que j'ai un qui a tout le temps swappé, ça me donne 50 points d'XP à chaque fois, plus plein de stocks. Ça peut être efficace. Ouais, c'est vrai. Ouais, à cause du béton, à l'Uni, mon GPS bug, fait qu'il me téléporte un peu partout sur le campus. Donc là, je peux voir des Pokémon, genre, sur le boulevard Laurier, je clique dessus, il apparaît dans ma chambre. Oh, wow. Moi, ça bug tellement que ça fait éclore mes œufs aussi. Ils pensent que je me promène quand le GPS bug. Fait que tu glitches. Ouais, moi, je peux glitcher sans le vouloir, Pokémon Go. Mais c'est crappé ton jeu. Quand je suis ici, quand je suis ici dans le coin de la Beauce, là, ça vaut pas la peine, faut se promener. Fait que moi, c'est pas mal ça. Je suis un gros vendu, je capote bien raide, puis je joue tout le temps. C'est bon. Oui, tiens, mon cher Yvon. Je vais faire un peu de l'avocat du diable. Bon, il y en a un qui veut une volée. Mais je dirais, Pokémon Go, ça amène excessivement de points positifs. Moi, c'est l'aspect social qui me fascine à Pokémon Go. Ça, je n'ai pas parlé. Oui, c'est un point que j'aurais apporté. Regardez à New York, là, une journée ou deux, il y a eu quoi? C'était 2000 personnes? À Central Park, là? Oui. Pour essayer de pogner parce qu'il y avait un Pokémon rare. Je pense qu'il y avait un Ninetales, j'ai entendu parler. C'est 2000 personnes qui trippent sur le même engouement, sur le même aspect. Tu sais, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de... No hate. C'est encore drôle. Tu sais, c'est vraiment... Ben, il peut en avoir, mais... Il peut en avoir. C'est minime. C'est minime. C'est pareil comme aller voir un show. Quand tu vois un show, les personnes qui sont avec toi, peu importe c'est qui tu connais pas, ils vont là pour la même affaire. T'as un point commun. Un point commun. Et ouais. Puis ça, je trouve que c'est quoi de super plaisant pour Pokémon Go. Bravo Nintendo là-dessus. Y a une affaire que je voudrais parler aussi. Pokémon Go, ça me fait peur pour Nintendo. Ok. Nintendo, on s'entend, ils ont connu la figure avec la Wii U. Oui. La Wii, on dira ce qu'on voudra, ils ont fait fortune avec la Wii, ils ont ramassé du cash en colon. Ouais, ouais, ouais. La Wii U, ils se sont plantés. On va être honnête, ils se sont plantés. C'est vrai. Parler à un propriétaire ici. Ah, oui, c'est ça. On écoute des propriétaires. Puis ils se sont plantés. Puis Nintendo, il a eu mal financièrement. Le portefeuille, il a manqué une crise de volée. On va se le dire, ben franchement. Ça a été mais là, ils ont fait un petit jeu mobile. Tout banal. Tu te promènes, tu ramasses des shit d'or. Puis tu ramasses 14 millions en une semaine. T'as pas dit correct, ça. C'est. Je sais pas combien c'est rendu. Puis les actions de Nintendo ont monté de quoi? 70 points. C'est-tu vrai, ça? Ben, je sais que c'est minimum 10 points. Okay. Mais c'est énorme, là, pour Nintendo. Mais... c'est énorme. C'est une vache à lait, là. Oh, mais là, ça va te pousser, c'est dommage, mais est-ce que Nintendo va se dire, hey, on se fend tu le dessus à travailler 3 ans sur un jeu, puis qu'il va avoir de la misère à rapporter, ou on fait un petit jeu mobile qui va nous prendre un an, ouais. Mais qui va nous rapporter le même montant. Ça fait peur. Je comprends ton point. Mais tu sais, Nintendo, il a toujours été un peu dans le portable aussi, hein, je pense. Oui. Effectivement. Ils sont en train de merger ça ensemble. Oui. Avec la NX encore plus que jamais. Parce que ça avait presque été confirmé là, que c'était une console hybride. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour Nintendo. J'espère réellement qu'ils feront pas comme Konami à marde. C'est ça. Konami à marde. Ouais. Fait que. Nice one. On va espérer. On va espérer. Enfin, moi, j'ai été me chercher Pokémon Go. J'ai jamais été un fanatique de Pokémon. Moi, ça a tout le temps été Jake Cocoon. Jake Cocoon, for real. Jake Cocoon. Jake Cocoon. Ouais, je vous expliquerai ça un long jour. Okay. Puis, c'est ça. Pokémon Go, c'est drôle. Tu sais, aujourd'hui, tu sais, t'es à une pause, ben, tu sais, t'es dehors, j'avais un Pokémon sur mon patio. C'est drôle. Oui, il y en a plein dans la face de chez vous, même. Je passe tout le temps dans ta vie. Moi, je trouve ça comique. Tu sais, j'ai été promener mes chiens, puis il y avait des gamins, genre, qui cherchaient le Pokémon. Ça, je trouve ça cool parce que, tu sais, comme disait sur Internet, nos parents nous ont forcé toute notre jeunesse à sortir dehors. Ils n'ont jamais réussi. Nintendo l'a fait en 24 heures. Mm. Bravo à Nintendo. Ben, ça, pour vrai, là, ils ont bien spoté. Oui. Mais Seigneur, regardez devant nous autres. Oh oui, oui! Donc Pokémon and Drive! Il y a une petite logique à faire, là. Deux personnes qui tombent d'un ravin, des cadavres. Il y a des hauts aussi, il y a des personnes qui trouvent des cadavres. Hey, Seigneur, regardez devant vous. Il y a des hauts avec ça. Il y en a qui sont pas toutes vraies. Faut faire attention. Ouais. On aime ça blâmer Pokémon pour tous les problèmes du monde. Non, je blâme pas parce que, excusez, mais quand t'es trop au cave pour regarder ton téléphone puis pas en avant, c'est ton problème. C'est ça, exactement. C'est pas le problème de Pokémon. C'est ça, exactement. T'es un imbécile. Et en regardant en avant de toi. Ça fait ça par un char, je vois Pokémon. T'es un imbécile! Fait que, moi, c'est mes points. Pokémon Go, c'est drôle. Je joue pas beaucoup, vraiment. T'es level quoi? Level 2. Level 2, arrive level 3. Tu sais, comme moi, je jouerais pas longtemps. Je jouerais pas beaucoup. Je voulais l'essayer, savoir le phénomène. Puis c'est pas mal ça. Ah, c'est vrai, il y a une autre petite chose. Créer un Pokémon est rendu plus populaire que la porn pis Tinder. Yeah! C'est quelque chose. Bravo à Nintendo. Il faut le faire, battre la porn sur Internet. Battre la porn. C'est quelque chose, c'est un exploit. C'est rendu que c'est le sujet le plus parlé sur Internet. Ouais. Okay. Ah, c'est ça, là. Qui veut y aller? Bah, je peux y aller, tout le monde. Battez-vous! Moi, ça sera pas si long que ça. Je peux y aller. Vas-y, je peux y aller. Tantôt. Moi, mon point concerne plus la longévité. Ah. Est-ce que Pokémon Go va passer date? Ouais. Là, c'est le phénomène. Internet au complet est immobilisé, ne fait que parler de ça. Ouais. Est-ce que ça va être la même chose dans un an, dans 6 mois, dans 2 mois? C'est une vague, à mon avis. Comme les Tamagotchi. Ouais, c'est ça, c'est comme les Tamagotchi. Ça va passer date ou ça va revenir à la botte dans 15 ans? 6 mois, les Tamagotchi. Ouais. Moi, je dis que, tu sais, après 3 mois, ils vont sortir les 250. T'sais. Ouais, c'est ça, tu sais. Niantic, la compagnie qui a développé le jeu avec Nintendo, promettait des updates à toutes les 2 semaines. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Est-ce que ça va être des updates justifiables? Ou si ça va être juste pour balancer les serveurs qui arrêtent pas de planter? Ou bien, genre dans la description, bug fix. Bug fix, ouais, c'est ça, c'est patch notes, bug fix. C'est ça, des fois, ils font ça, puis c'est ben tannant. Ouais. Mais c'est ça, est-ce que Pokémon Go n'est qu'un... une mode passagère? Ou si ça va être constant? Ça me ramène à ton point qui dit, est-ce que Nintendo va finir par délaisser la console de salon pour se concentrer sur le portable? C'est déjà avec des applications. Parce qu'il disait qu'il voulait sortir d'autres jeux. Pokémon Go, c'est juste le premier jeu qu'ils ont fait pour mobile. C'est le tip de l'iceberg, c'est ça, là. Okay. Il promettait des jeux, plein de jeux mobiles. Est-ce que ça va être une virtuelle console mobile? Est-ce que ça va être... L'iceberg, il peut être grand, là, en dessous de l'eau, là. Mais là, Pokémon Go est là. Il est arrivé. Reste à savoir s'il va durer. Il est implanté. Il est implanté en maudit, ça oui. Puis l'effet social, culturel, quasiment politique même. Ouais. Quand c'est rendu qu'il en parle aux nouvelles, puis que. Ils font des caricatures avec le président des États-Unis qui a Pokémon Go sur son sel. Le côté culturel a fait. Ça va exploser plus que jamais. Je pense plus que dans les années 90. Honnêtement, là, quand Pokémon est apparu, ça a fait une vague. C'était rien pour les enfants. C'était rien pour les kids. Là, c'est pour nous autres, notre génération et les enfants plus jeunes. Nous autres, on a grandi avec, puis la nouvelle génération qui les connaît. Ouais. Fait que là, c'est comme deux fois plus gros. Ouais. Oh, je comprends. Je t'en fais tripant, Chris. Ouais, moi tout, tu sais, j'aime bien Pokémon, je suis un gros fan. Mais c'est ça. Je trouve ça plate parce que je peux pas essayer le jeu, mais aussi parce que j'ai peur que ça passe date vite. Que le monde se fatigue. Puis qu'après ça, on n'entende plus jamais parler. Puis que là, Nintendo fasse clouc avec un autre jeu. Puis que là, ça fasse un pétard mouillé. Parce qu'ils disent, ça, c'est comme Pokémon Go, on jouera pas. Ok. On va voir. On va voir. Ce sera peut-être pas de la réalité augmentée, leur prochain jeu. Ça sera peut-être carrément autre chose. Ils pourront pas recycler ça indéfiniment. Mais c'est ça, ils pourront pas recycler ça indéfiniment. T'sais, ils peuvent pas faire ça avec d'autres franchises vraiment. Là. Mais tu sais. Ça ouvre une porte très grande à genre Mario Portable. Mario iOS, Mario Android. Ah ouais, c'est ça. Mais bon, c'est un autre point qu'on parle. J'ai hâte de voir. C'est d'autres gros points. Yep. Mr. Mike. Ben, pour dire, faire une histoire courte, Pokémon, j'ai joué un petit peu. J'ai joué à Pokémon Jaune dans le temps. C'est ma soeur qui avait ça. Guilty pleasure. Ben, j'ai montré Magikarp en Gyarados. Ça, c'est à peu près ma seule, achievement que j'ai faite dans Pokémon. Okay. Puis moi, qu'est-ce que j'aime de Pokémon Go, c'est le phénomène social, justement. Tout le monde en parle, puis tout ça. Moi, au travail, je parle de ça avec le monde. Ben, le monde rien de moi, là, quand je parle de Pokémon Go. Hey, t'as-tu Pokémon Go sur ton application, puis tout ça? Tu l'as dit? Ouais. Là, moi, je l'ai pas, dans le fond. Okay. Mais là, je me suis mis à dévoiler du monde. Ça a comme enlevé des tabous, un peu, face au gaming, puis tout ça, aux gamers en général, là. Là, à cette heure, le monde me parle de gaming à job, puis là, ils voient que je m'intéresse à ça, tu vois. Je commence à devenir une référence, là. Puis là, il y a bien du monde qui finalement, ben, ils sont sortis du placard, puis ils disent, ben, on va jouer. Il y a du monde qui vont jouer à Pokémon Go. Leur coming out de Pokémon Go. Ben, c'est ça. Pokémon Power. Ben, c'est pas le genre d'affaire quand moi, je suis dans un milieu peut-être de professionnel, mais pas ce genre d'affaire que le monde doit avouer nécessairement. Ouais. C'est tabou de dire que t'es gamer ou tu sais, c'est Pokémon. Il y a encore un peu de jugement social face à ça. Ouais. Puis là, on dirait que c'est en train de tout enlever ça. C'est ça que j'aime de ça. Ça brise des barrières. Exact. Ouais. Exactement. Mais tu sais, moi je jouerais pas à Pokémon Go là. Où j'ai regardé Max, j'ai joué à Pokémon Go avec Max et on se promenait là. On s'est promené en haut là-bas pis ça marche. Là je revenais avec Vincent, tu le voyais qui était en train de marcher à la terre. Il marchait à la terre! Et là, il me disait j'étais dans le champ là-bas. Après, Max, j'avais rendu des bonnes habitudes de vie, marcher à la terre. Là, genre, hey man, j'ai trouvé un Pokémon! C'est bon, oh, okay. Ok, c'est pour ça qu'il marche. C'est pour ça! Mais tu sais, je trouvais ça pas peu pis c'est pas fou comme idée. T'sais, l'idée est vraiment intéressante, mais à mon avis, ça peut devenir addictif aussi. Il faut faire attention aussi. Il y a eu des accidents, même au Québec, il y a quelqu'un qui est rentré dans un char de Pokémon. Ben ouais, Québec, ouais. Pas où, hey, Québec. C'est dans Québec City, proche de Colombie. C'est ça, m'emmener. C'est pas moi. Tu sais, regarde en avant, toi. Mais c'est. Justement, moi, je trouve ça drôle, ces anecdotes-là. Peut-être que c'est moins qui est pas correct. Pas mais je trouve ça drôle. Mais. Puis tu sais, c'est le genre d'affaires que je vais compter au monde. Hey, tu sais, qu'est-ce que t'as vu à Pokémon Go, là? Quelqu'un qui. Trouver un cadavre, je sais que c'est pas drôle là, mais non, c'est anecdotique. Drôle en tirer, c'est un cadavre. C'est un fait cocasse. C'est ça, tu dis t'es à barouette ou cocasse, le. Cocasse, c'est toutes sortes de choses là, comme les gars. Ils... Trouver un Pokémon, puis il y a un cadavre. Tu penses que déjà du monde sont morts en jouant Pokémon Go? Oui. C'est ça là. Déjà? Oui. C'est ça là. T'sais, j'attendais, moi j'attendais le premier mort, on me dit, hein, il va y avoir un mort, c'est sûr. C'est sûr qu'il va y avoir un mort. Ouais, les gens font pas attention, ils ont plus de tête là. La folie est partie là, fait que là, il y a du monde qui ont plus de tête, fait qu'ils réfléchissent pas. Puis voilà. C'est ça. Ça fait des accidents puis ça fait des morts. Attraper des mais tous. C'est ça que moi ouais, je peux dire de faut pas attraper à mort. Attraper les tous mais attraper pas à mort. Attraper à mort. Comme je dis, c'est ça que je trouve intéressant. C'est que là, on est en train d'enlever un peu les tabous, là. Puis tu sais, dans le temps, le monde avait comme honte. Ben, tu sais, faut s'assumer, je te dirais. Ben, moi, je sais que de mon âge, je sais que je suis un peu plus vieux que Simon puis Max. Moi, j'ai écouté les Pokémon à la télé, là. Oh! Ben, j'étais vieux pour les écouter, je peux te le dire. On avait été voir le film au cinéma avec ma soeur, puis on était là, puis on fitait pas dans la salle. Ben, des jeunes qui faisaient la grande roue en avant du. Puis ça devait être. Puis moi, je pense que c'était mieux, aussi. Moi, justement, Pokémon, j'étais un petit peu trop vieux. Quand ça a sorti, puis j'ai connu Jake Cocoon, fait, Pokémon a été éclipsé pour moi dans mes réalités. J'en ai tellement dans ma collection de jeux vidéo, mais j'en ai jamais fini. Bon, c'est triste, bon, okay. C'est triste. Les rushs, faudrait que je fasse vraiment le jaune. Le jaune, ouais. Je pense que c'est ça. Fais les deux premières générations. Ouais. Mais, Gold Silver, c'était très excellent. Si j'enlève rien, Nintendo serait jamais la compagnie qui est présentement si Pokémon n'aurait jamais été inventé. Mmh. Nintendo aurait pas le même portefeuille. Ah non, mais ça. Ouais. Serait mort après Virtual Boy. Ouch! C'est vrai pareil. C'est dans ces époques-là. En 64, l'aurait ressauvé. Fuck. J'aime beaucoup le 64, moi aussi, Max, mais. C'est un autre débat. Mais donc, arrivé au GameCube, ça aurait retombé un petit peu. Mais. Jusqu'à la Wii. Non, je pense que ça fait le tour un peu des deux blocs. On a des. Merci. Je pensais que t'allais y coller. Ben oui! Fait que c'est pas mal ça, je pense. Ouais, ça, ouais, gros, ça fait le tour en fait, contre des blocs qu'on voulait parler. Ouais. Puis comptez vos pas à Pokémon Go pour le fun. Installez un podomètre. Il calcule pas dans l'application. Fait que... Moi, avec mon bug GPS, oublie ça. Il pense que je marche en esti. Toi, t'es hors jeu. Là. Et sur la drogue. T'es hors jeu, tu glitch. Non, ça. C'est pas mal notre premier test. C'est vraiment, comme vous voyez, c'est très. C'est très basic. On sait pas où est-ce qu'on s'en va. On fait des tests. On va voir. On aimerait ça énormément que vous vous aidiez en marquant vos commentaires constructifs. Genre une petite pause entre les deux blocs avec une petite musique. Ouais, on met toute la musique, on met des pauses. Une petite musique de fond. De fond pendant qu'on jase. Des sujets. Bombardez-nous. Bombardez-nous de sujets. Bombardement. On est ouvert à plein. Puis quand que Max va avoir Internet au vitesse, on veut vraiment toucher en même temps. Internet avec fibre. Avec fibre. Fibre optique, parce que j'ai haute vitesse. Là. Haute vitesse de merde. on veut le toucher en même temps. Fait que bombardez-nous, aidez-nous, partagez si vous voulez. On aime bien ça. Like et tu sais, des shit de merde. Faites votre social sur les réseaux sociaux. C'est ça, exactement. Fait que, merci. On va dire merci. Vous êtes sympathiques de nous avoir. Thanks, bros and sis. Ouais, fait que santé, guys. On se revoit. Jouez à Pokémon Go, mais regardez-moi vous autres. Stay safe. Fait que, au revoir.